Bolingwe Jala, je t'aime. Je t'aime encore. Et je t'aime plus que les mots ne pourraient l'exprimer. Yes. Un homme, sa mère a parlé. Malgré mes problèmes, nous avons cru à notre amour. Pas difficulté, coca qui te coca bola biso. Donc comprenez qui caca, qu'il n'y a pas de rose sans épis. Donc atteindre destination, mariage, elle est long. Ah non, annulé, amour n'a mon démarre. Je suis fier de t'avoir comme épouse, mon amour. Jalouna Bajalous Balela Bisoto Seka. Je l'aime, elle aussi elle m'aime. Mon amour, je t'aime. Mon bébé, je t'adore. Papa, nous avions perdu la bataille, on a gagné le combat. Mon combat, il était mon côté, coca pour l'amour. Jamais. Après tant de controverses, nous voilà mariés. Mariés. Les amours annulaires, les symboles de l'amour. L'amour. Tu es mon amour, futur mère de mes enfants. Mama, chérie. Synonyme de mon bonheur, je t'aime. Mon thème, je t'aime. Ah, je t'aime, mon bébé. Toi, emprunte tout ta bonheur. Il n'y a pas moyen qu'on regarde en arrière. Nene yoto kukufa elongo. Nene yoto salé ma poto sal ensemble. Il faut le reconnaître. Et si kato outine, et si kato komilelo. Destin abyssé, c'est là qui s'élève depuis les cieux. Tous à deux amours et prédestinés. Nzamba salut que tous à les longs. Tu es le trésor de mon cœur, mon amour. Maman, tu es le bonheur de ma vie, mon bébé. Papa, il a comme mon côté, coca pour l'amour. Jamais, songi, songi, mon côté, coca pour l'amour. Jamais, t'es dit oui devant Dieu et devant les hommes. Jamais, maman. Je l'aime, elle aussi elle m'aime. Elle m'aime. Je t'aime, mon bébé, je t'adore. Nous avions perdu la bataille, on a gagné le combat. Le combat. Mon côté, mon capot, l'amour, oh, jamais. Controverse, nous voilà mariés. Mariés. L'amour, les symboles de l'amour. L'amour. Tu es mon amour, futur mère de mes enfants. Maman, ma chérie, dans la synonyme de mon bonheur, je t'aime. Moi, t'aime. Je t'aime. Le cœur. professeur docteur Dadimata Canada, Lady Kibe Angel Face, l'honorable et bienvenue Lyotan Joy. Docteur Zingeti Lura Kabak, Michel Moulumba Mimoula. Le charismatique Dungu Zidane. Ya Edomo Patasa. Simplice Bata, mon colonel. Hugues la coiffe Ikote, Coco maître de l'école, Flori Lubaki, Moulopoué Gabin Chitea, Christian Matata, bourgmestre Yansele, Apocalypse Dongo, Albert Junior et Léoncia, félicitations. Le cœur, je t'aime. Le cœur, je t'aime. Gay Mamadou, l'habilleur de luxe. Babatini Top Office, Jean-Marie Lukula, Sidon King, le PCA, Sylvie Mouadi, Maman Anouri, Papi et Piana, Vincent Gomez du Cameroun, Joël Kabouya, Yawini Kekba, Christian Lomoto, Nisso Kagaboy, Président François Babadi, le directeur Didi Kelo Kelo,